kola la na koka ni sa ye chérie pe monte mamo ko pe la moto e mama na kola la na koka ni sa ye chérie pe monte mamo ko pe la moto e mama bala oyo na mi pesi oya la vie suka suka ngomo nzemba na ko zongela te bala oyo na mi pesi oya la vie suka suka ngomo nzemba na ko zongela te thank you. ya. Ça me touche, ça me touche. Alinga kanga basa sangai. Ça me casse. Alinga kanga koleka minye. Hey, hey, hey, hey. Oh, oh, oh, oh. Chéri nanga kose langai. Ça me casse. Alinga kanga koleka tro. Ça me coupe, ça me coupe. Alinga kanga koleka mige. Hey, hey, hey, hey. Oh, oh, oh, oh. Oga! Dindiga, dindiga, dindiga makolo. Dindiga, dindiga, dindiga makolo. Dindiga, dindiga, dindiga makolo. Loboko ya mo Cristo, manana. Buta Lukasa, o apio. Sheleka, sheleka, c'est la vérité, rien que la vérité. Woo!